Et dans l'immédiat, eh bien, c'est Bulle de rêve, magazine du cinéma d'animation. En ce moment, on est à Annecy, il est 10h. De toute façon, comme je dis, je fais cette espèce de semblant direct qui, moi, me paraît bizarre aussi. Mais voilà. Mais vous, normalement, si tout s'est bien passé, si Nicolas est bien derrière le micro, il est 17h, normalement, 17h02, parce qu'il y a toujours un peu de retard, 17h05. Et on est à Annecy, c'est le festival, c'est le dernier jour, c'est évidemment le gros événement du cinéma d'animation. Voilà, c'est le samedi matin, c'est un peu plus dur. C'est, je crois, la première fois, allez, la deuxième fois, mais qu'on le fait en public. On l'a fait la première fois avec l'un de mes invités, qui est ici présent. L'idée de faire cette émission en deux parties, je ne sais pas encore si je vais vous l'envoyer directement comme ça, on verra bien, mais je pense qu'en générique, vous avez dû entendre normalement la douce voix de Laetitia Sherif, si tout s'est bien passé, pour la chanson de finale, de fin de La jeune fille sans main de Sébastien Lodenbach. Et autour de moi, un débat critique en première heure et en seconde heure, Peter Lord, créateur des studios Hardman avec Dave Proxton, qui viendra nous parler. Donc voilà, on fera un petit débat si possible. Et, I will translate in English, in French, sorry for those of you. Mais on fera ça. Et Olivier Catrin nous parlera aussi des European Gay Pride Animation Awards, qui évidemment sont mis en place pour faire. Voilà, donc il nous parlera de ça parce que c'est évidemment un moment important. Les récompenses européennes sur l'animation qui sont un peu le parallèle avec les New Awards. Autour de la table, plein de monde, donc je me dépêche. Francis Gavel. Oui, bonsoir Alexis. Je dis bonsoir du coup. Tu dis bonsoir. Alors, 17h, c'est quoi? Est-ce que c'est bonsoir? Ouais, c'est oui, c'est bonsoir. On a dit oui dans la salle. Alors donc, c'est parti. Bonsoir. C'est parti. Antoine Lopez. Eh bien, bonsoir. Festival évidemment connu pour le festival de Clermont-Ferrand, mais grand, grand passionné. Nicolas Tisse. Bonsoir. Je le fais parce que j'ai peur d'un seul coup de me mélanger dans un nom. Ça y est, il faut que ça tombe évidemment sur Florian. J'ai l'habitude. Dont j'ai oublié le nom d'un seul coup. De Le Borde, merci beaucoup. Marco de Blois. Bonsoir. Et Stéphane Lacroix des Dreyfus. Bonjour. Voilà, donc autour de cette table, l'idée est de parler. Allez, on va faire plaisir à Antoine Lopez. On va commencer avec le long métrage. Parfait. Juste le long métrage, parce que chaque année, j'ai l'impression, et je ne sais pas vous, qu'en effet, il y a un. Alors évidemment, ça c'est une évidence, mais un. Voilà, des films de plus en plus présents. Et Antoine, tu as dû au moins peut-être en voir deux cette année, c'est la première fois, non? Oui, c'est la première fois. Ouais, t'en veux. Je t'ai un peu obligé. On m'a obligé. On t'a obligé. Bon, Sébastien Lodenbach, on t'a obligé aussi. Tu l'as vu ici? Oui, non, j'ai vu deux longs métrages. J'ai vu le film de Sébastien, donc La jeune fille sans main, et Louise en hiver de. Jean-François Laguiguel. Tu vas nous dire deux réalisateurs surtout connus pour leurs courts-métrages. Oui, tout à fait. C'est des gens qui sont passés par le court, qui passent par le long pour des raisons diverses. Laguiguel, c'est parce que le court-métrage, ça ne nourrit pas beaucoup. C'est toujours le même constat. Hein. Et que le long-métrage ne nourrit pas forcément plus, mais disons que parfois, en trouvant les productions, au moins sur 3-4 ans, on a un salaire. Quoi. Il l'a un peu dit, hein. Enfin aussi Laguiguel hier. Hein. Après, Sébastien, il avait envie d'avoir un format plus long. Mais hier, justement, le débat court-long, des fois, m'agace un poil, parce que pour moi, c'est du cinéma, de toute façon. C'était un débat sur l'écriture. Oui, oui. C'était pas un débat sur savoir ce qu'il y a quel mieux, c'est juste savoir comment on écrit différemment. Il y a des moments où on opposait un peu les deux, mais moi, je crois qu'il n'y a pas d'opposition. Après, moi, ça n'empêche pas que je suis dogmatique aussi, hein, donc je préfère le court de loin, hein, c'est sûr. Alors dans le long, à part évidemment pour Nicolas Tisse qui a préféré Sheep and Wolves, qui doit être évidemment son film préféré de l'année, c'est quoi votre film qui ressort pour vous de cette édition et voilà, qu'il va falloir aller voir en salle? Stéphane, si tu veux commencer. Alors moi, le film, ça va être dur, on va dire les films. Ok. Ça te va? Ouais, allons-y. En compète, hein. Il y en a beaucoup, en fait. Ouais. Restons sur la compétition. Oui, alors Mélanie Courgette de Claude Barras, il faut que je le développe il y a Mélanie Courgette de Claude Barras. Oui, développe, c'est un débat, sensible, c'est ça. Très beau, un sujet qui, sur le papier, est pas facile, mais qui est un film qui est à la fois drôle, émouvant, qui va vers l'espoir, vers la lumière, qui montre aussi que. les enfants ont une capacité de résilience étonnante. Voilà, c'est un film très touchant. C'est un sujet facile. Et le deuxième, c'est... On va faire attention. Tu sais ce qu'on va faire ? On va faire comme Le Masque et la Plume. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Parce que en fait, j'ai toujours voulu présenter Le Masque et la Plume. Est-ce que tout le monde est d'accord sur Ma Vie de Courgette ? Vous l'avez tous vu, sauf Antoine, il nous l'a dit. Est-ce que vous êtes tous d'accord sur ça, sur la justesse du film ? J'adore les courgettes, ceci dit. Merci Antoine. Je savais qu'au débat, tu allais amener des choses, évidemment. Marco ? Stéphane, je lui soufflais les titres parce que c'est la même chose pour moi. Ma Vie de Courgette et La Jeune Fille. Et sur Ma Vie de Courgette, pourquoi d'un seul coup ce film ressort ? La rigueur de l'écriture, la justesse des personnages, il y a des moments de grâce incroyables dans ce film. Il y a une scène qui peut paraître pas importante, mais moi, elle m'a beaucoup touché pour la beauté du moment, cette espèce de moment de grâce, mais aussi la justesse des personnages, la justesse des mouvements, puis la justesse de l'évocation. C'est celle de la disco, je sais pas comment vous dites ici. Le moment où ils dansent, en tout cas. La boum au centre de ski, lorsque les enfants font la fête, et il y a un des moniteurs qui DJ. C'est évidemment un moment joyeux, mais en même temps, il y a tellement de justesse dans la description de ce moment qui arrive à un moment précis du film, et ça fait partie donc pour moi des éléments, ils sont nombreux, qui ont fait du film, c'est un film grand public, c'est un film qui a toutes les chances de bien fonctionner en salle, mais c'est pour moi une réussite exceptionnelle. Et l'année en long métrage est exceptionnelle aussi, j'ai rarement vu autant de longs métrages de qualité à Annecy. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur Ma Vie de Courgette ? Tout a été dit et vous êtes tous d'accord, personne n'a pas aimé, a pris autour de la table. Non. Je peux continuer à dire des conneries. Non, bien sûr. Et Antoine va nous dire de temps à autre des petites bêtises comme ça qui vont ponctuer le débat. Juste signaler que les marionnettes sont vraiment magnifiques. Aussi, oui. Donc, grande réussite. Donc, je vais... Moi, je soutiens le film parce que Claude Barras était au jury à Animatou. Il a donné le grand prix à Julienne, qui a fait une Voilà, donc vous aurez ça de temps à autre. Julienne, d'une certaine Cerise Lopez, notamment, et ce patron. Deuxième film, donc, qui a beaucoup fait parler. On a eu Sébastien Lodenbach ici, dans ce très beau cinéma des Quatre Nemours. J'ai oublié de dire, évidemment, que cette émission, mais ça, c'est moi, était enregistrée aux Quatre Nemours dans le cadre des Cafés Croissants AAA. La Jeune Fille Sans Main, de Sébastien Lodenbach. Pareil, une unanimité entre... alors là, vous six, que avez vu le film, Antoine ? Alors, comme je n'avais pas vu beaucoup, oui, je vais. Ouais. L'engouement, je me méfie de l'engouement en festival. Il suffit qu'il y en ait un qui se lève, et puis il y a la salle qui se lève, il y a une standing ovation, mais en fait, des fois, ça ne correspond pas à grand-chose. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est qu'il a tenté quelque chose de très différent, et donc il a toujours cet esprit court où il essaie de se libérer des carcans de la production de métrage habituelle, qui est quand même un carcan. Qui emmène les films toujours dans le même tuyau, quoi. Il y a une espèce d'entonnoir. Et lui, en la jouant en solo, en fait, comme un lonesome cowboy, comme on dit chez les Espagnols, donc il a fait son film, et du coup, ça lui a permis de faire des choses extraordinaires, et notamment au niveau plastique, au niveau de l'animation et de la pensée sur ce qu'il fait. Et donc, ça donne un film atypique. Moi, je lui ai dit à la sortie du film, je lui ai dit, Sébastien, tu sais, je vais voir ton film à reculons, parce que. Un, je connais ta recherche du minimalisme le plus profond dans tous les domaines. Deux, c'était l'adaptation d'un roman. Trois, c'est un long métrage. J'avais trois raisons de me faire chier. Et finalement, j'ai trouvé ça intéressant. Je ne me suis pas embêté. Il y a deux moments où la tension baisse un peu, mais globalement, enfin, à part des détails, globalement, j'ai trouvé ça assez prenant. Et dans une démarche, justement, il le dit lui-même, d'artisan. Dans une démarche justement de réalisation qu'on retrouve justement, et c'est pour ça que j'aime le groupe, parce que c'est là que l'invention va se nicher et qu'on va chercher des choses. Et donc, de ce point de vue-là, j'aime beaucoup La Jeune Fille Sans Main. Voilà. Si Florian, Francis, vous n'avez pas encore parlé par rapport à La Jeune Fille Sans Main, pareil, Florian. La Jeune Fille, il y a aussi ce côté que c'est un. Donc là, Antoine parlait de film d'artisan, c'est aussi vraiment un film d'artiste. C'est un long métrage d'artiste qui est complètement tourné vers son public. À aucun moment, il est dans une recherche. Est très personnel et en même temps il nous l'offre. Ça c'est rare aussi d'avoir le cumul des deux comme ça. Bon, j'avais eu la chance de le voir il y a pas mal de temps dans ma salle, en fait, et à la sortie du film, beaucoup de gens avec Aguilla sur les lèvres. Il va prendre de Comte de Joseph Kelouya, dont Isao Takahata disait qu'il aurait peut-être préféré traduire Monogatari par histoire, et on est dans l'histoire de la princesse, on s'intéresse à cette jeune fille qui devient une jeune femme, etc. Donc on prend un conte millénaire et on va vraiment au terre à terre, et c'est ce qu'on a aussi avec ce conte de Grimm qui est ramené au sol, qui est ramené au corps, et c'est vraiment un film d'une puissance rare, quoi. Jeune fille sans main, quelqu'un d'autre veut dire quelque chose qui n'aurait pas été dit pour ou défendre ou contre. Non, tout ce qui a été dit est très juste. C'est, moi, je trouve que c'est un film d'une liberté ahurissante, à tout point de vue, et d'une force symbolique qui est quand même. Et voilà, et qui a cette belle chose qui prend le spectateur par la main aussi. Voilà, c'est effectivement un film qu'on peut. Que certains trouveront peut-être expérimental, trop arty, mais qui est très très beau, effectivement, la référence à Takahata, et je crois qu'il l'assume, c'est la référence, avec Norman McLaren, à TV. Donc, voilà, c'est un film magnifique. Ok, donc ces deux films-là, est-ce que, alors je vais vous dire, et déjà je vais vous redire, Sail Station, Psychonautas, était en compétition, Window Horses était en compétition, ça c'est les autres films, Sheep and Wolves était en compétition, 25 avril était en compétition, Nuts était en compétition, beaucoup, hein. La Guerre des Tucs 3D était en compétition. Voilà, on finit la liste des compétitions. Est-ce qu'il y a des films dans cette liste vous avez aimé, que vous recommandez, ou il y a des films, parce qu'après tout c'est intéressant aussi, on se rappelle du coup de gueule bien évidemment important de Nicolas Tisse sur Le Petit Prince l'année dernière, est-ce qu'il y a des films où vous dites que vous avez été voir et que vous êtes dit au bout de 5 minutes pourquoi, qu'est-ce que je fais dans cette salle, il faut que je sorte, ils sont tous, non, Marco non, Florian, est-ce qu'il y a un film qu'on repêche dans toute cette liste en disant putain, il faut absolument le voir, s'il sort allez le voir, ou alors surtout n'allez pas le voir. Alors, déjà, moi, ma découverte sur le festival, puisque La Jeune Fille et Courgette, je les avais déjà vues, donc ça a été Psychonautas, que là, je me suis laissé porter. Il a des défauts, il a très clairement des défauts, il est loin d'être parfait, etc. Mais il nous embarque quelque part, il a un monde très particulier, des moments où on vibre un peu, il y a des moments où on rit, enfin c'est il a un petit côté à la fois potache et en même temps assez affirmé, enfin c'est, il est sur le fil du rasoir assez régulièrement, il y a des choses qui marchent assez bien, et un film où je suis vraiment resté par professionnalisme jusqu'au bout, mais au bout de quelques minutes, oui, c'était Sheep and Wolves, ça c'est évident que là c'était une douleur matinale, on va dire. Qui d'autre, ouais. Stéphane, Francis, il n'a pas encore parlé, vas-y, puis après Stéphane. Quand même, parce que c'est un auteur que finalement je suis sans m'y attendre. Ouais. Donc c'est Sail Station de Sandro Nguyen, parce que je l'avais découvert alors à Cannes en 2012 avec King of Pigs qui était à la quinzaine. Et là, donc Sail Station, film de genre, hein, donc des zombies attaquent la ville. Alors, je trouve pas forcément que la partie zombie est si novatrice. En même temps, oui, elle est intéressante. Alors, évidemment, plein de fois, on pense à Romero, parce qu'on se dit, bah voilà, critique de la société de consommation, comme à l'époque, on l'a vu après coup, quoi. Bah là, celle d'aujourd'hui, alors ça prend effectivement certaines dimensions assez, assez intéressantes, parce que tout ce moment où il y a les forces de l'ordre qui encerclent, non pas les zombies, mais ceux qui sont pas encore attaqués, on pense un peu à notre actualité française. Enfin, moi, en tout cas, je le vis comme ça. Donc je me dis, et puis c'est bien de le dire sur Radio Libertaire, donc je me dis, il y a ça qui m'intéresse dans le film. Après, on retrouve son graphisme qui est assez, assez rude, assez sec, à la limite de la caricature ou du grotesque très souvent. Et puis, il y a une forme de twist. Alors, je raconterai pas le twist, mais d'un seul coup, ils arrivent dans un appartement témoin, ce que je trouve être une idée géniale, puisque c'est le summum de la société de consommation. On va vous vendre des apparts. Et en fait, là où ils vont à la fin se réfugier, c'est l'endroit où par excellence, il n'y a pas de vie puisque c'est l'appartement témoin. Et d'un seul coup, ils sont confrontés, les trois protagonistes qu'on a suivis depuis le début, ils sont confrontés à eux-mêmes, tous les trois, dans un trio comme ça, où on retrouve alors là son cinéma, et je pense plus encore à The Fake, où d'un seul coup, on a trois personnages qui vont être les uns face aux autres, et des personnages qui vont se révéler les uns comme les autres, assez abjects et pervers. Souvenir de The Fake, où le seul personnage qui est lucide par rapport à cette secte catholique qui vient prendre l'argent des villageois est le personnage le plus détestable du film. Donc, parce que il frappe sa femme, il frappe sa fille, il est tout le temps bourré. Et donc, ce que je trouve absolument génial, où dans le scénario, il faut s'identifier au personnage et tout, et je commence à en avoir ras-le-bol de m'identifier au personnage, c'est que d'un seul coup, on est face à un personnage auquel on n'a aucune envie de s'identifier. Et en plus, c'est lui qui détient la vérité et qui devrait faire que les bons vont gagner, alors que c'est plus à l'autre l'histoire. Et là, on est avec quelque chose comme ça. Et ce que je trouve intéressant aussi, alors là, par rapport au réalisateur, c'est que parallèlement, et il était présenté à Cannes en séance de minuit, il a un film de zombies en prise de vue réelle, hein, qui est Train to Busan, que j'ai pas encore vu. Alors, je vais le voir effectivement après, quoi. Mais évidemment, ça va être intéressant de pouvoir comparer les deux approches entre le live et l'animation sur un sujet qui est très très proche. Il n'aura pas le temps d'en parler, Nicolas n'aime pas du tout le Train to Busan. Il n'aura pas le temps d'en parler. Est-ce que dans cette liste que je vous ai dit, il y a encore des films que vous voulez récupérer, dire ouais, non, c'est vraiment. Stéphane veut récupérer un film, je sais, a priori lequel c'est. La guerre des Tuques. Voilà, la guerre des Tuques. Vive le Québec. Non, moi je me suis fait écharper quand je vais vous dire que j'avais aimé la guerre des Tuques, mais. C'est un film c'est une production calibrée, assez formatée, pas toujours très belle, mais très efficace. Et je me suis retrouvé dans une salle avec plein d'enfants qui ont pris un grand plaisir à voir ce film, et moi aussi. C'est-à-dire un plaisir assez jouissif. Je me suis retrouvé, enfant de 5-6 ans, à avoir envie de balancer des boules de neige sur l'écran. Moi aussi. Donc voilà, un film qui a bien marché ici au Québec, hein, qui est vraiment une... Version. Antoine ? Non, juste revenir sur le film de Sébastien, donc La jeune fille sans vin, où Sébastien a gardé un peu des choses qu'il titille tout le temps dans ses cours, c'est-à-dire le sexe, le pipi et le caca. Et c'est vrai que les personnages dans l'animation sont peu organiques. Des fois, on essaie justement de s'approcher du monde réel, mais on oublie qu'effectivement, on fait pipi, caca, on se branle et tout ça. Et dans le film La jeune fille sans main, on voit ça et c'est pas appuyé, c'est juste c'est comme ça, c'est très très bien fait. Et ça, je tenais à le dire parce que c'est tellement rare, qu'il faut le dire, il faut que ces gens aient au moins à y voir la masturbation, le pipi, le caca, au moins ça. Là, il y a d'autres trucs autour. J'ai juste un truc, si vous voulez voir un personnage se masturber, vous pouvez aussi aller voir Anomalisa. Puisqu'il y a un très beau plan de personnage qui se masturbe devant son ordinateur et après vous serez déprimé. Dans les films hors compétition, je ne sais pas s'il y en avait qui vous intéressait, en tout cas il y a beaucoup qui étaient en programme évidemment spéciaux. Alors j'aimerais revenir sur trois films, s'il y en a d'autres pour lesquels vous voulez parler, bien sûr vous êtes des bienvenus, sachant qu'évidemment le temps passe malheureusement toujours trop vite. Bien sûr c'est le retour de Bokanovski ici à Annecy. Est-ce que certains l'ont vu, donc qui a un rêve solaire, qui est évidemment un personnage assez... important, on va dire, hein, l'ange notamment, et donc ça c'est très très important. Et puis évidemment La Tortue Rouge de Michael Ludovic qui sort là la semaine prochaine ou bientôt en tout cas en salle, et Louise en hiver. Alors je vous écoute, est-ce que quelqu'un a déjà vu de Bokanovski? Oui, ils sont deux. Nicolas, Florian, est-ce que vous voulez dire un petit mot sur le Bokanovski? Nicolas. Un rêve solaire, c'est donc le nouveau film de Patrick Wetanowski que j'ai trouvé absolument merveilleux et magnifique. On n'est plus vraiment dans l'animation, enfin pas totalement dans l'animation. C'est un film qui serait justement, je me demande s'ils l'ont pas mis en compétition parce que c'est plutôt du off limit, on va dire. C'est clairement un film qui est non narratif. C'est 1h05 sans absolument aucune narration. Et dans une première partie dans laquelle on a même du mal véritablement à reconnaître quelque chose d'identifiable. Les personnages sont des espèces d'ombres, mais c'est vraiment un film comme comment dire, il appelle ça un rêve solaire parce que vraiment c'est un film sur la lumière, sur vraiment toutes sortes de lumières. On a vraiment justement le scintillement sur les vagues. Il s'amuse avec justement tout le vocabulaire formel cinématographique, notamment à travers des surimpressions, des décalages. Pas mal de choses différentes, et en fait il expérimente vraiment formellement de manière pratiquement d'une manière qui est pratiquement de l'écriture automatique, de la réalisation automatique, c'est-à-dire on a pratiquement de l'improvisation. Il avait une vague structure comme il a dit, mais en général c'est quasiment de l'improvisation, et en même temps autour de ça on a vraiment une véritable réflexion qui est menée autour du cinéma, à travers la projection, à travers les mécanismes justement lumineux de la projection, à travers justement l'écran. Et dans la deuxième partie, là il devient pas plus narratif clairement, mais on commence à reconnaître un petit peu plus de choses. On a vraiment des portraits d'enfants, on a une pièce de théâtre qui commence à jouer et sur laquelle aussi il va revenir en travaillant l'image de manière extrêmement radicale, jusqu'à abstraire absolument tout ce qu'on pourrait reconnaître encore, pour jouer justement sur les différents niveaux de lumière, sur les différents mondes. Et en fait c'est un film dans le... Enfin, disons qu'il y a deux manières de le prendre, je pense. Soit on s'attend vraiment à quelque chose d'un minimum même narratif avec un petit peu d'histoire, et en fait on reste là, mais qu'est-ce qu'il est en train de vouloir nous dire? Et en fait, je suis pas sûr que ce soit vraiment la bonne manière d'aborder le film, de se demander ce que le réalisateur veut vraiment nous dire. Je pense que là, ça reste un film qui est à la fois extrêmement sensitif et extrêmement théorique. C'est un film qui est d'abord sensitif et dans lequel il faut se plonger littéralement. C'est-à-dire, il faut regarder la beauté des images, la beauté plastique des images, et essayer de se laisser complètement emporté par tout un déluge de lumière, d'images, comme ça. Nicolas, qu'est-ce que ça apporte? Parce que tout ce que tu nous dis, j'ai l'impression, est déjà dans le cinéma Bodo-Bokanovski, le sentiment des vagues, c'était déjà avant. Qu'est-ce que celui-là apporte justement au reste du cinéma de Bokanovski, qu'on connaît aussi bien ses courts-métrages? C'est clairement la suite de son travail, c'est-à-dire que ça ne va pas être un renouveau complet de son travail. Ça, il ne va pas avoir, on va dire, je vais quitter tout ce que j'ai déjà fait pour faire autre chose. Mais on est clairement dans une suite logique de tout ce qu'il avait fait auparavant. Ok. On va vite y aller. Tortue Rouge et Louise en hiver. Est-ce que la Tortue Rouge... tout le monde adore autour de cette table, et il n'y a que moi qui ai des doutes, ou est-ce qu'il y a des gens qui ont des doutes aussi, ou qui veulent commencer à parler? Moi, je n'étais pas invité, donc je ne l'ai pas vu. Voilà, donc Antoine, en effet, l'a pas vu. Donc la prochaine fois, invité Antoine Lopez, c'est Marcel Jean, si tu nous écoutes. Non, mais il faut le dire, je veux dire, la Tortue Rouge, tout le monde n'a pas pu le voir. Mais moi, je ne l'ai pas vu ici, voilà. Vous l'avez vu avant, oui, c'est pour ça. Des gens auraient pu le voir. Et c'est pareil, tout à l'heure, je voulais juste un aparté. On parle que le prix Dédé Martinez n'est pas doté. C'est pour l'introduction pour les hispanophones. Mais aucun prix à Annecy n'est doté. À part un bout de caillou transparent, il n'y a pas d'argent. Il faut le savoir. Et à part le prix Canal, qui est un prix Canal, qui n'est pas le prix officiel, on va dire, du festival, mais le festival d'Annecy ne donne pas un rond pour les prix. Donc, après cette précision sur le débat, est-ce que donc la Tortue Rouge, tout le monde est fan du film? Il n'y a que moi qui trouve des fois le film où... trop long ou trop court, je sais pas, qui pour moi, qui en notre espèce, c'est cette métaphore est très belle, mais c'est toujours embêtant de parler d'un film là que les gens vont aller voir, mais c'est vrai que Construire quatre fois le radeau, de moi ça m'ennuie. Enfin, il y a quelque chose que je trouve un petit peu fastidieux. Trois fois, non? Il le fait quatre trois fois, fois, trois fois. Trois fois. Attends, j'ai l'impression qu'il le faisait quatre fois, c'est pour vous dire. C'est vrai que je comparais le film méchamment, enfin, à l'île nue de Kaneto Shindo, où il y avait cette vie qui voilà. Qui était sur cette île, muet aussi, encore un autre film muet, qui fait à peine plus, hein, qui fait 1h35, donc un petit quart d'heure en plus, mais là où on est dans une vraie contemplation aussi de la vie, et pas que de la nature, pas que de belles images, et je me fais la critique encore plus négative volontairement, puisque c'est un film évidemment qui est très beau quand même, il y a tout le talent de Michael Dudok de Witt. Tout le monde est enchanté de toute façon, Francis Enfin, finalement, par rapport à ce que tu dis, t'as peut-être la sensation qu'il y a quatre fois, parce que la quatrième fois, en fait, il a à peine ébauché le radeau, il le met à l'eau, puisque la tortue a été accueillie sur la plage. Non, moi, c'est un film que j'aime plutôt bien, que j'étais impatient de découvrir, mais curieusement, c'est pas un film qui me transporte autant que je l'espérais, tout en restant... À plein de moments complètement marqués par le film. Je trouve que c'est un film, en fait, ce qu'il y a d'intéressant dans le film, et là c'est plus un point de vue finalement perso et presque pas critique de cinéma, c'est que c'est un film dans lequel moi je vais pouvoir projeter plein de choses qui, même s'il paraît comme ça très très défini, très il y a une ligne narrative qui avance, moi j'ai quand même le temps d'y projeter plein de choses, et je trouve que c'est un film finalement sur nos parcours de vie, et on peut projeter dans le film nos propres parcours de vie avec ce qu'on espère, les regrets qu'on peut avoir, les angoisses, les attentes, et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Et comme justement grâce au trait du Doc de Witt on est dans quelque chose de doux, dans quelque chose de délicat, bah comme ça on ose un petit peu s'abandonner et pas avoir peur de se retrouver un petit peu à nu par rapport à son propre chemin personnel. Et donc c'est plus un film finalement qui me plaît sur cet aspect là de ce que je peux mettre dedans à partir d'une base qui m'est proposée comme ça, qui est délicate, qui est belle et qui est un petit peu qui est délicate, qui est belle. Après j'avais rien de plus passionnant à dire, donc voilà. Après effectivement il y a des choses sur lesquelles on peut débattre, et c'est ce qu'on avait fait avec toi à la sortie de la projection de presse à Paris, parce qu'on peut trouver que la musique est un petit peu excessive, et puis on peut aussi défendre ce parti pris de lyrisme qui porte un petit peu le film, où il y a des choses risquées comme le fait de, enfin là c'est moi qui parle avec des expériences et des goûts musicaux quoi, se dire que travailler une voix lyrique dans une partition pour un film, tout de suite ça amène de l'emphase, et que ça peut effectivement, suivant comment est à ce moment-là l'image et l'émotion qu'elle porte ou pas, monter un petit peu trop, et on va se retrouver dans quelque chose de mélo. Et je trouve que Laurent Pérez-Delmar à ce niveau-là réussit à peu près à tenir une ligne. Donc ça me paraît intéressant, le compositeur de la musique du film. On trouvera une petite interview d'ailleurs de lui, enfin petite question-réponse dans ton papier final, c'est ça, sur j'espère, oui, en tout cas la proposition a été faite. Louise en hiver, qu'on passe ensuite au court-métrage. Louise en hiver, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé le film de Jean-François Leguillonni, ou des gens qui ont aimé? Stéphane? Moi j'ai adoré ce film. Je trouve que c'est un film qui a des concordances assez troublantes avec La Tortue Rouge. On a l'impression que, parce que c'est deux Robinsonades, c'est-à-dire deux personnages, un naufragé dans La Tortue Rouge et une vieille femme crépuscule de sa vie dans Louise en hiver. Et on a l'impression que les petits crabes de la plage sont passés d'un écran à l'autre. Louise en hiver est un film, pour le coup, effectivement, sans emphase aucune. D'une délicatesse, presque une caresse, ce film. Et moi je le trouve très très beau, porté par la voix de Dominique Fro, qui fait un très beau travail d'interprétation vocale. Et on retrouve tout ce qui fait la beauté des films de Jean-François Leguillonni, cette sensibilité. Voilà. Ah oui. Moi, je pense, c'est un film que j'aime bien. Hein, j'aime beaucoup, oui, effectivement, le terme de caresse. Effectivement, c'est un film très délicat, sur lequel le personnage est très sympa. Mais j'ai trouvé le film assez moche, en fait. Malgré ça, j'ai aimé le film, mais il est très très moche. Il est très loin de l'univers graphique de Leguillonni. Je veux dire, quand on connaît le travail graphique de Leguillonni et qu'on voit ce que la numérisation a fait, c'est une catastrophe, quoi. C'est diaphane, il n'y a plus rien. Il n'y a plus les couleurs, la palette colorée. Alors après, Leguillonni l'a peut-être voulu, hein, je veux dire, c'est pas. Mais moi, je dis ce que je ressens quand je pense à Une bombe par hasard, par exemple, ou la traversée de l'Atlantique à la rame. Bien sûr, je parle que des cours, je vous l'ai dit, je suis dogmatique, hein, mais. Je trouve qu'on a beaucoup perdu. Même dans les décors, il y a des trucs. Évidemment, c'est la droite ligne de tous ces films, en fait. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour voir que, quand on voit Louise en hiver, si tu caches Leguillonni, on dit, ah, c'est un film de Leguillonni. Hein, on ne peut pas se tromper. Mais quand on voit, il y a des lignes comme ça, des perspectives de villages désertés par la population, on retrouve ça dans Une bombe par hasard. C'est une autre force colorée qui est là. Qui a disparu total, quoi. J'ai été voir l'expo, il y a un cartel qui dit en gros que la numérisation a essayé de retrouver la texture du papier. Quand je dis ça, je crois qu'il y a une chaise pas loin, parce que sinon j'étais par terre, quoi. C'était Tu dis, mais attends, c'est. Donc, c'est, moi, je regrette beaucoup ça. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup l'univers graphique et coloré de la Guigoni. Moi, je dirais, je suis rentré en animation, comme on rentre au séminaire, un petit peu avec les films de la Guigoni, donc dans les années 70. Et franchement, voilà, ça, c'est mon grand regret par rapport à Louise en hiver. Voilà. Quelqu'un a une réaction par rapport à ça, Francis? Non, j'ai pas, mais en même temps, je comprends ce que dit Antoine, parce qu'à la fois, je trouve le film sensible, et effectivement, j'ai l'impression que par rapport à la délicatesse, à ce qui pourrait être le pastel du film, il est moins évident, et moi, je trouve qu'il est peut-être moins évident que, par exemple, dans L'île de Blackmore, que finalement, je trouvais beaucoup plus touchant. En termes graphiques, en termes de palette de couleurs, c'est vrai que je me suis dit quand même pendant la projection, je trouve le film réussi et je suis très surpris. Je trouve qu'il a un montage qui est assez fluide et on arrive à la fin, on se dit bah, ça y est, le film se boucle et effectivement il se boucle et il n'a pas cette tendance à vouloir continuer un peu de manière très naturelle, très fluide, mais qu'effectivement il pouvait être un petit peu lourd. Alors même s'il y a des très très beaux moments, notamment elle adolescente avec ses deux amoureux et comme ça le désir, la passion, la difficulté de le vivre. Alors c'est peut-être parce que je fais des films de dépressifs, mais je sais pas, je trouvais ça très réussi de ce côté-là et un petit peu déceptif de l'autre côté, quoi. Hey, Stéphane. Moi je suis pas aussi calé qu'Antoine Lopez sur le de la Guigoni, mais je trouve que le fond, si le juge terme, moi je le trouve je trouve qu'il colle très bien. Alors, peut-être qu'il a perdu avec l'admiration, mais je trouve qu'il colle très bien au spleen du film. Oui, oui. C'est un film éminemment mélancolique, hein. C'est un film très personnel, presque crépusculaire. Donc voilà, je trouve ça, le fond colle très bien à la forme. Ce qui me semblait intéressant, c'est que c'était un film aussi un peu décomplexé par rapport à l'animation, et qu'en effet, il le dit lui-même, ne pas regarder chaque plan, ne pas se demander si chaque plan va être bien animé ou beau finalement. Mais de faire un film aussi comme ça, où il se soucie moins, ça peut être un problème à un niveau esthétique, hein, de se dire, et je comprends ce que dit Antoine, en effet, c'est moins beau. Et c'est évident que certains des premiers films de la Guigoni ont une grâce quand même assez importante au niveau. Mais c'est vrai qu'il y a ce plaisir, d'ailleurs, pour moi, je les mets un peu en rapport avec La Jeune Fille sans main, d'un seul coup, et ils étaient là tous les deux, pas longtemps à parler, de. Ok, on fait de l'anime qui sert aussi, comme tu disais, un propos ou un univers, et puis. Sans trop se soucier finalement de devoir épater, ce qui est souvent malheureusement le cas dans les longs métrages d'animation. On oublie l'animation. Marco, un dernier mot et on pourra passer au court métrage. C'est la grande différence entre La Tortue Rouge et Louise en hiver. Les deux films ont en commun de prendre le risque de la lenteur, ce qui est bien, ce qui est formidable parce qu'on n'en voit pas beaucoup. En revanche, autant on sent une sorte de liberté et d'indolence peut-être chez Louise en hiver, autant, et c'est peut-être moi ce qui me gêne un peu dans La Tortue Rouge, on sent cette espèce de recherche absolument obsédée de la beauté classique la plus parfaite qui soit, mais jusqu'à l'obsession. Et ça, c'est assez particulier du travail de Michael Dudoc de Witt. Alors, il y a peut-être une certaine liberté, moi, chez La Guigoni, qui me touche plus que chez Dudoc de Witt. Bon, je sais pas si... vraiment, un tout dernier mot, sinon on va pas avoir le temps de parler. Alors, non, pas de mots. Voilà. Je pense que personne ne veut parler du monde de Dory ou... Non, c'était pas sûr, ça. Mais vous avez le droit, hein, d'ailleurs. Hein, ça fait un peu de suite censure. Allez, un dernier mot, Francis. Non, mais réfléchissez, je vais vous demander après si vous avez des films d'étudiants, de télévision ou de commandes que vous avez vus. Si certains d'entre vous en ont vu, qui vous ont plu, ou s'il n'y en a pas, on passera évidemment au court-métrage juste après. Donc deux mots et pas plus, c'est un film en programme spéciaux. Donc dans la rétrospective sur l'animation française, et c'est un long-métrage, c'est pour ça que j'en parle là, c'est L'Enfant Invisible d'André Lindon, qui date donc de 1983. Moi, s'il y a un choc au festival cette année, c'est ce film-là. Donc c'est juste pour ça que je voulais le signaler. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, je tiens à signaler qu'effectivement, il sort en DVD, donc on peut le rattraper. Il ne sortira pas. Si, il sort. Il était vendu à BD Fugue. Mais il sort pas chez Capricci. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc il existe. C'est un film très troublant. Alors peut-être que moi il m'a parlé, parce qu'avec les problématiques posées dans un film comme Cours de récré, c'est un petit garçon en fait qui est en vacances et qui finit par rencontrer une petite fille qui est invisible. Et c'est vraiment, je crois, un film sur le désir, sur les premiers émois. Et c'est fait avec une économie de plan. Aujourd'hui, on va pouvoir dire que c'est mal animé, que il y a comme c'est une restauration. En plus, il y a des moments où ça saute parce qu'il y avait peut-être pas toutes les images en bonne qualité. Mais c'est un film là aussi qui ose la durée, mais sauf que c'est pas une durée contemplative, c'est une durée de révolte et de tout ce qu'il y a à l'intérieur d'un petit garçon qui d'un seul coup a des pulsions qui sont ses premières et qui comprend pas, qui l'analyse pas complètement et qui va être dans un flot d'émotions qui seront magnifiées par une tempête sur la mer avec un plan très très long et où tout nous montrera en lui quoi. Faut avancer parce que notamment l'un de mes invités d'après a son train, donc je voudrais pas lui faire évidemment louper. Non, je pense à toi Olivier, donc je ne veux pas évidemment lui faire louper, donc j'essaie de me dépêcher un tout petit peu. Est-ce qu'il y a des courts-métrages, on va faire ça comme ça, si ça vous plaît, certains d'entre vous peuvent rester, puis tant pis si d'autres doivent partir, je vais passer Olivier, Catherine et Peter Lord maintenant. Et puis je vais vous laisser parler quand même d'un court métrage, comme ça certains d'entre vous ne peuvent pas rester. Et ce que je vous propose, c'est de finir le débat juste après sur cette idée de court métrage. Encore une fois, je comprends qu'on bouleverse un petit peu tout, mais c'est moi, c'est de ma faute, on est en retard. Est-ce qu'il y a, pour ceux qui ne peuvent pas rester forcément, je ne sais pas, un court métrage sur lequel vous voulez absolument parler et dire bah, celui-là, voilà, je veux le mettre en avant. Marco, Je vais tricher. Je vais devoir quitter et j'aimerais tout simplement vous parler d'un truc que je trouve formidable mais qui n'a pas attiré tant de monde que ça. C'est l'installation Le Monde Inversé qui est présentée à la salle des Haras. C'est un truc époustouflant, c'est du cinéma élargi, l'équivalent de 8 écrans de cinéma. C'est du compositing, de l'animation, c'est décadent, somptueux, impressionnant, plastiquement. Formidable, et c'est une expérience extraordinaire de 40 minutes. Un des grands moments d'Annecy. Merci. Est-ce que Antoine? Oui, parce que si j'ai bien compris, on va parler des courts-métrages en compète, c'est ça, après. Si c'est possible, si ceux d'entre vous pouvaient rester, en effet, je serais ravi et on passe. Je vais parler des courts-métrages ailleurs. Donc, et pour dire que, en fait, j'ai eu plus d'émoi et de trouvailles dans la compète étudiante que dans la compète officielle. Largement. C'est pas que c'était mauvais la compète officielle, mais c'est un fatras. Je veux dire, je vois pas comment on peut montrer Caput et le renard qui a perdu la boule l'un après l'autre. Promis, on en reparle après. Mais, tu restes là, Antoine. Dans les films étudiants, je vais en citer deux. Il y en a un, j'ai oublié le titre, mais c'est un film hongrois, donc Balcon, qui fait penser à Maman de Hugo Virgu. Où il y a quelqu'un qui c'est le quotidien, c'est dans une cité, les enfants jouent en bas dans le square, il y a une mémé qui s'emmerde un peu, qui allume une clope, qui regarde par la fenêtre, il y en a une autre qui fait il y a une autre mémé qui joue avec ses petits-fils peut-être au poker, enfin bon, il y a des gens qui s'occupent, il y en a qui font la cuisine, tout ça, et il y a un type qui arrive en bas d'immeuble comme ça et il se met à crier et le film c'est ça, c'est juste ça, et finalement toute la cité se met à crier. Et c'est extraordinaire, ça dure pas longtemps, c'est l'intérêt aussi du cours, des fois, c'est que ça dure pas longtemps. Ça, c'est un truc qui est bien. Puis à l'autre, dont j'ai traduit le titre anglais, Édouard était un chien, qui en anglais, c'est The Wrong End of the Stick, et qui nous montre Édouard, enfin il s'appelle pas Édouard, mais je l'appelle Édouard, donc qui a envie d'être un chien et qui est absolument extraordinaire. Qui va bien plus loin que Franck Dion dans le côté justement, j'irais dire sexe, oui, parce qu'il n'y a pas pas de sexe. Une scène d'amour. Ouais. Et là, vraiment, c'est à mourir de rire quand même. Il en dit autant. C'est vraiment. Donc, je vous conseille ce film. C'est un film anglais d'une école, forcément, je ne sais plus laquelle. Je crois que c'est la NFTS. NFTS, ouais. Voilà, donc il y en a d'autres, hein, mais. On n'a pas le temps, mais en tous les cas, il y avait vraiment plein de belles choses. Un film allemand, Frankfurter Strasse, numéro 99. Qui nous montre avec. Là, c'est la technique qui m'a un peu soufflé. Une technique, c'est peut-être rotoscopé, mais ça m'est égal. C'est la pâte à modeler sur glace, sur verre. C'est la pâte à modeler, je pensais que c'est la peinture, mais il ne nous décrit pas l'ensemble de l'image. Donc, et on a une lisibilité parfaite. Et c'est un moment d'un éboueur qui travaille, donc on voit beaucoup de poubelles, mais C'est un moment, comme ça, une tranche d'un moment de laborieux. Qui va à la rencontre d'un chat, en effet, qui a un rendez-vous avec un chat tout le jour. C'est super bien, mais il y en a plein d'autres, ce qui n'est pas le cas de... Antoine, tu restes, Francis, tu peux rester, Nicolas, Florian, Marco peut pas partir, Stéphane, tu dois partir. Donc, vas-y, dis-nous un petit mot sur... Vaïchen aveugle de Théodore Huchet, qui est un film splendide qu'il faut, si possible, voir en 3D relief, enfin, en 2D relief. C'est un film vertigineux qui a été récompensé par le jury junior de façon assez, je trouve, inattendue. Et donc c'est un film vertigineux à tout point de vue et qui utilise dans lequel le relief sert formidablement bien le propos avec cette histoire d'une jeune femme qui d'un œil voit le passé et de l'autre le futur. Et moi, j'ai rien vu du tout parce qu'ils m'ont donné des lunettes, mais elles ne marchaient pas. Donc, merci beaucoup à Marco et Stéphane. Vous allez partir. Je vous demande tous les quatre, merci de retourner dans la salle et de revenir d'ici 40 minutes. Merci. Et je vais demander à qui vous applaudissez. Merci. Merci beaucoup, Marco. Ah, tu vas devoir partir. Bon, bah, Nicolas, on devait partir. Et je vais demander d'applaudir et de demander à Peter Lord et Olivier Catrin de venir. Olivier has to leave at one point. I will translate in French and in English during, because that's the radio show and people are listening in French. Donc j'ai une cravate, Alexis, c'est magnifique. Merci. Comme tu es beau. Ça commence comme ça, c'est, ça va être trop facile. Voilà. Donc, ça y est, il m'a fait perdre tous mes moyens. On va parler avec Olivier qui doit prendre un train et on va parler un petit peu de cet événement là qui va nous expliquer peut-être s'il y a un nouveau nom. Je l'embête à chaque fois avec ce nom du départ. Voir évidemment comment ça se passe. Pourquoi aussi avec Peter Lord, c'est que Peter Lord en est le président. Honorifique, et donc je traduirai, comme je vous disais, pas honorifique, en anglais. Un vrai président, pas honorifique. A real president, sorry. Olivier first will tell us a little bit about that. Quel est le nom maintenant? Alors, c'est le nom de l'association, c'est les European Animation Awards. Donc il n'y a plus Pride dedans, qui a été une question. Donc l'idée de départ, c'est une idée de Didier Brunner. Et il avait envie de mettre le mot Pride pour dire qu'on est fier de cette de tous ces talents qu'il y a dans l'animation. Voilà, mais bon, Peter, par exemple, il n'était pas le seul, nous a expliqué que la connotation du mot en anglais, Pride, c'était un petit peu difficile à défendre parce que c'était très, très relié aux manifestations homosexuelles et donc c'était un peu compliqué. Didier a essayé de résister quand même, disant c'est pas grave, on est des gens ouverts et tout ça, mais bon, c'était compliqué. Donc il y a eu Pride dedans et les récompenses vont eux-mêmes s'appeler les Emile Awards. Voilà. Émile, comme ça, c'est tout le monde. Émile Cole, Émile Reynaud, tout le monde est content. Comme on a deux Émile pionniers de l'animation, ça, c'était plutôt pas mal. Donc chacun peut choisir l'Émile qu'il préfère. Et puis on a aussi, on va donner une récompense pour une carrière d'un grand artiste de l'animation. Le prix sera le Lotering Award, qui était aussi un nom qu'on a longtemps évoqué, qui était évidemment très important dans l'histoire de l'animation. Et c'est bien de donner le nom d'une femme. On sait qu'on parle beaucoup évidemment de la place de la femme dans le cinéma d'animation, un peu partout évidemment dans le cinéma d'animation. C'est plutôt une bonne chose de donner le prix de la carrière pour celle qui a fait le premier long métrage. Il y en a eu d'autres avant, mais qu'on n'a pas retrouvé, donc le premier long métrage. Ça, c'est une bonne chose. Européen, en tous les cas. Européen, en tout cas, ça, c'est sûr, tout à fait. Voilà. Donc l'idée, c'est de récompenser les talents de l'animation. Voilà, c'est cette idée-là. Donc récompenser les animateurs, les décorateurs, les musiciens, les storyboarders, les réalisateurs aussi. Oui, il y a déjà une liste. On a fait une liste de 20 prix. Ce sera les 20 prix définitifs, c'est bon, ce sera cela. C'est difficile à dire. Ça peut encore bouger un petit peu, pas trop, parce que c'est difficile d'aller au-delà d'un prix, parce que sinon, ça fait des cérémonies qui sont très longues. Et en même temps, on ne peut pas on ne peut pas mélanger les longs-métrages, les séries, les courts-métrages, donc on est obligé d'avoir plusieurs prix par catégorie, donc ça va très très vite en fait. Donc c'est compliqué. Alors on s'est basé un petit peu au départ sur les catégories des Annie Awards aux États-Unis, mais eux ils ont 40 prix et je crois que ça dure 5 heures, quelque chose comme ça, mais on peut pas faire ça, c'est pas possible, ils en ont beaucoup trop. Donc on a essayé de trouver un truc entre les deux en essayant de laisser une place dans toutes les catégories. Alors c'est dans le long métrage qu'il y a le plus de prix. Par exemple, il y a dans le long métrage, il y a le storyboard qui n'existe pas dans les autres catégories. En court métrage, il y a le meilleur film, il y a la meilleure animation, le meilleur design. Et est-ce qu'il y a autre chose? I forgot. Yeah. Il y a 4 prix par exemple pour le court métrage et le scénario bien sûr. Voilà. J'éviterai de faire Antoine. 4 prix. Étant donné que dans le court métrage, les réalisateurs sont souvent eux-mêmes les scénaristes et les créateurs graphiques, c'est vrai que c'est difficile de donner un prix pour, par exemple en long métrage ou en série, on a un prix pour la meilleure animation, mais aussi la meilleure animation de personnages. Pareil pour le design. Bon, voilà. En court-métrage, on a un peu réduit les choses. Peter, you understand French? Because I see you... I'm nodding wisely, yes. I understand, but I know what's being talked about. Okay. In this case. Well, il comprend, mais surtout quand, évidemment, il sait de quoi on parle, là particulièrement. You think it's important to have that kind of awards in Europe, like they have in the United States? Yes, of course I do. I think it's a great thing to celebrate. Particularly, I think, for me, some of the craftspeople. So when you talk about animators and storyboarders and musicians, people who will not be awarded at a festival like this, or indeed any other festival. Oui, donc je me demandais si c'était important de le faire, de récompenser, comme on le fait aux États-Unis, l'animation. Il dit oui, c'est quelque chose de très très important, évidemment, de célébrer l'animation, et notamment de mettre en avant des artisans et des artistes, comme les storyboarders, les musiciens, qui eux ne sont rarement récompensés comme des festivals comme ici, mais comme un peu partout d'ailleurs. Il y a quelque chose d'important dans l'esprit de cette cérémonie de récompense, c'est qu'on ne récompense pas les individus, mais on récompense des équipes. Bien sûr. Quand on récompense l'animation dans un film, on récompense l'ensemble de l'équipe d'animation. Alors, sauf la récompense d'une carrière, alors on récompense un individu, mais sinon, voilà, c'est l'idée aussi de défendre que l'animation est un travail de groupe et que c'est pas juste le chef animateur ou je ne sais quoi. Est-ce qu'on sait quand ça va avoir lieu? Est-ce qu'on sait où ça va avoir lieu? Est-ce que ça va avoir lieu à Bristol? Est-ce que ça va avoir lieu à Paris? Alors, quand on va essayer de faire ça pour la fin 2017, voilà, c'est l'objectif, ou on ne sait pas du tout, on a un certain nombre de propositions qui viennent de différents pays européens, on en a plusieurs qui sont déjà assez concrètes en fait, donc on va voir, on va examiner les candidatures de ces différentes villes, je pense qu'il va y en avoir d'autres aussi, assez rapidement pour pouvoir déterminer d'ici la fin de l'année le lieu de cette cérémonie. Peut-être que ça changera de ville à certains moments. Ça pourrait faire une revision d'animation et de passer de ville en ville. Ouais, on va pas changer de ville tous les ans, je crois pas, ouais. Parce que c'est trop de travail. Mais peut-être que ça pourrait être 3-4 ans dans une ville et puis ensuite changer. C'est possible, ça. Après, comme c'est européen, c'est vrai que c'est peut-être pas mal que ça... Voilà, mais il y a des propositions dans différents pays. Et évidemment en France aussi, mais pas à Paris, pour l'instant. Est-ce qu'il y a un bon retour de la profession? Est-ce que vous sentez, là vous avez fait une conférence de presse par exemple, et la profession est plutôt heureuse de ça, et quelle qu'elle soit, enfin du caricaturé, hein, mais de ce qui est tout ce qui est série jusqu'au court métrage, etc. Vous sentez quelque chose qui se met en place derrière ces European Awards? Oui, moi j'ai eu beaucoup de retours de gens qui trouvent que c'est une bonne idée, qui ont envie. Alors on va par exemple, on va choisir des ambassadeurs dans différents pays. On a beaucoup de candidatures, donc les gens ont envie de s'investir, parce qu'on leur donne pas d'argent, hein. Ils font ça bénévolement, un peu comme nous. Donc c'est, il y a un certain enthousiasme, je trouve. Je sais pas, Peter, you had some feedback about it? Yes, I was very pleased to hear straight away that people wanted to be involved. There's this idea of ambassadors. So that there will be people representing the festival and the awards in each country, And they are representatives, but they're also their sources of contact. They are networking. They do all those things. And I think that's a very important part of it. And I was delighted that even in our first meeting, you know, three or four people came forward immediately pitching to be that ambassador, which I thought was a very encouraging sign. Oui, oui, je pense que donc, comme on leur disait, hein, c'est très important, et notamment donc cette notion d'ambassadeur qui est absolument fondamentale en fait. Et quand ils ont fait la conférence de presse, beaucoup de gens sont venus directement pour dire bah oui, ça m'intéresse de le faire, et se sont proposés 3-4, comme vous avez dit, c'est pourtant bénévole. Et alors leur disait c'est important évidemment parce qu'il y a l'idée de réseau, il y a l'idée de contact qui se fait dans ces pays-là, donc c'est important d'avoir ces liens-là avec des ambassadeurs. On couvre une quarantaine de pays, hein, donc il y a des grands pays d'animation et puis il y a des tout petits pays en Europe où l'animation est à peine émergente. Je ne vais pas te retenir trop longtemps parce que je sais qu'il y a le train dans pas longtemps, mais quand même, la première chose moi, qui m'est venue en tête, c'est comment vont être faites les nominations, qui va voter, alors même si c'est des choses, mais voilà, parce que les nominations, 40 pays, pourquoi choisir un court-métrage aujourd'hui, alors, c'est compliqué, on n'a pas encore tout à fait déterminé les choses. Pour l'instant, l'idée qui prédomine, c'est de se dire que pour les courts-métrages, les films d'école et les longs-métrages, on se sert des sélections dans les grands festivals européens, peut-être une liste de festivals. Tous les films qui auraient été en sélection dans ces festivals seraient éligibles, on va dire. Donc ça fait un panel assez large, et en même temps, ça évite d'avoir des milliers de films à visionner, ce qui est quand même lourd. Pour les séries, c'est un autre problème. On va probablement demander aux gens de soumettre leur série et avoir un comité de sélection spécifique pour la série qui puisse regarder tout ça. Et qui vote ? Eh bien, un peu tous ceux qui votent. L'idée, c'est de faire voter les professionnels dans un sens très large. Ça peut être aussi des étudiants d'animation. Il suffit d'être membre associé de l'association, de payer 20 euros par an. Donc il y a une formule d'adhésion, on déclare ben voilà, je suis étudiant dans une école d'animation, je suis storyboarder ou je ne sais pas quoi, ou journaliste, et on a le droit de voter pour les films nominés et décerner les awards. Ok, Olivier, merci beaucoup. Je vais te laisser partir. On va partir maintenant à Armand. Merci infiniment à Olivier. Tu es très beau aussi. Merci, Alexis. Let's talk about Armand now. It all began with that. No? Yes, yes, true. Donc Armand, ça a commencé avec ça. What we look at? We're looking now at an aardvark, a South African anteater. It's hard to explain. I have no particular association with that animal or any other South African animal, but when my partner and I, my business partner Dave, and I, Dave Sproxton, we met when we were 17 years old, or no, we met when we were 12 years old. We started working when we were 17, and we invented a superhero that we called Aardman, which was to take the Aard of Aardvark and the man of Superman and put those two things together to create what we thought was a funny name back when we were 17. Donc je vous montre un dit. Alors qu'est-ce qu'on est en train de regarder? On est en train de regarder un animal d'Afrique du Sud qui fourmilier, voilà, une espèce de fourmilier comme ça d'Afrique du Sud. Et dit, j'ai pas une association particulière avec ni cet animal-là ni aucun animal d'Afrique du Sud. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que avec son partenaire de business, de studio, il a créé. Ils sont rentrés à 17 ans. Il dit non, en fait, à 12 ans, ils ont commencé à travailler ensemble à 17 ans, à 12 ans. Et en fait, ils ont trouvé que c'était plutôt rigolo de prendre ce personnage-là, le début donc de Aard. Pour d'Aardvark, qui est cet animal-là, et l'homme Superman pour en faire un Aardman, pensant que c'était un personnage qui était plutôt rigolo. From you, it makes sense. Voilà, est-ce que ça fait sens? Et alors, attendez, hop, je vais y arriver parce que là on l'a vu en grand, et évidemment, et ça donne. And you have that. That is. That unlikely, unhealthy superhero is Aardman. Voilà, ce petit personnage. Alors, la radio, c'est un peu pas facile, mais vous regardez sur Internet, on radio, it's not. No, it's not. Vous le ferez vous-même. C'est ce personnage-là, donc un peu un personnage un peu incongru, on va dire. C'est celui-là qui est devenu finalement Aardman. You said you begin at 17, you told the story before, but that's important because that's really small thing, you were the two of you, and you knocked at the BBC door and said, well, could you be interested in what we do? That's all. Yeah, and like, so we, David and I, were experimenting with animation when we were at school, which now is extraordinarily common and normal and widespread. But back in the 60s, the very late 60s, it was extremely unusual. In fact, we never knew, for years and years, we didn't know anybody else that was doing animation. So it was a strange, a rare activity. And we experimented because it's an obvious point, but it's still worth making, that animation is incredibly exciting and fun and amazing to do because it's such a, of all activities, it's so incredibly creative. So we were doing that for fun, and then we simply offered our work to the BBC. We were very, we were bold and... and we must have had a high opinion of ourselves. And luckily, there was a little space in the world of the TV networks for independent animation. I mean, when I say animation, I'm not talking about the sort of films we see here at Annecy. I'm talking about 20-second little sketches and jokes. Donc, je lui demandais, et donc en fait, à 17 ans, ils sont arrivés devant la BBC. En fait, ils ont proposé leurs travaux comme ça à la BBC, tout simplement. Ils disaient qu'en fait, il a expérimenté à l'école, hein, c'est là où il a commencé à travailler l'animation. Aujourd'hui, c'est une évidence, tout le monde le fait. À l'époque, c'était quand même assez rare, et pendant longtemps, d'ailleurs, ils ont cru que c'était. Ils connaissaient personne dans l'animation, et ils ont cru presque être les seuls à faire de l'animation. Donc ils expérimentaient, ça paraît une évidence tant le matériau animation, tant le travail d'animation est excitant et drôle et créatif. C'est vraiment l'un des métiers où il y a plus de création comme ça, et de créativité, pardon. Et donc ils ont été voir la BBC, ils étaient sûrement très, très courageux, peut-être même, voilà, ils pensaient énormément bien d'eux-mêmes, mais ça tombait bien parce qu'à l'époque il y avait des petits espaces comme ça pour à la télé, si pour des petits films, alors pas ce qu'on voit à Annecy, mais des petits 20 secondes un petit peu... fou comme ça. And so that's it. That was the beginning of our man. In our case, we never went to film school or art school. So that was the beginning. When we were still at high school, 17, we had this little entry into the commercial world. And then for 5 more years, we just kept on working part-time in our university vacations, doing these little sequences, but the little sequences became stories, and even if the story is only 45 seconds long, there are things to learn about performance, about editing, storytelling, all those things. So we were learning while we were on the job, as they say, and so slowly we gathered experience and confidence, I guess. Donc, en effet, hein, c'était... En fait, pendant qu'ils travaillaient, ils étaient dans l'université, ils continuaient à être là, et ils faisaient ces petits boulots commerciaux, en tout cas ces petites séquences, et même si c'était des séquences qui étaient très courtes, une petite séquence plus une autre petite séquence, ça commence à faire quelque chose d'un peu plus narratif, en tout cas un film, quelque chose d'un peu plus important. Et ces petites séquences de 45 secondes, on peut apprendre quand même plein de choses, le montage, la performance, de l'acteur et ce genre de choses. Donc en effet, il y a l'idée là d'apprendre en travaillant. And maybe one of the first, not only I've got that. What's this? Morph. Ah, Morph. Of course. Sorry, I just... So, that's it. A simple... The quality is not great, but it's a simple character playing with another one. Mm-hmm. Almost the same shape, not the same color. Yeah. A little trick between them. That's all, but that's part of the great trick of animation. Yes. A very... technically extremely simple. The character you heard then was called Morph, and the simplest animation puppet you could imagine, almost, because he's just made out of clay. He has no armature. I can make him in 20 minutes. So it's a very simple character. a little humanoid, and there are two things, I think. One is that Clay proved to be a very sympathetic, expressive medium. I always say that modelling clay is a bit like a pencil, because with a pencil you can draw like, you know, you can draw like a 4-year-old, or you can draw like Raphael. It's just a tool, and clay is kind of the same. That it's very transparent with the creator. So everyone's personality and individuality comes out in the clay. Anyway, so the material is simple. The puppets are simple because they're quite small, and there's a basic comedy double act between two sort of competitive characters, Morph and Chaz, who sort of gently fight and argue a lot of the time, but then occasionally they encounter often quite surreal events that makes them come together as friends. So I think, although it's for fun, I think there's a morality that runs through their relationship. Donc, je vous posais la question. Morph, hein, l'une des premières créations connues du studio Hardman, en disant qu'il y avait une simplicité, mais plutôt évidemment très efficace entre ces personnages. Il me disait que oui, c'était. Il y a une extrême simplicité de Morph. L'animation est simple, mais en fait, c'est vraiment le plaisir de travailler avec la pâte à modeler. La plasticine, il pourrait faire Morph en 20 minutes. Hein, c'est quelque chose d'assez évident. Il n'y a pas d'armature. On peut imaginer, c'est vraiment la manière la plus simple de travailler, on va dire, le volume. Mais il y a quelque chose d'assez fort avec ces personnages donc là, qui sont un petit peu humains, hein, qu'ils ont créé. La plasticine, en fait, a quelque chose de très agréable, qui fonctionne vraiment bien et qui est un peu comme le stylo, enfin voilà, le crayon de papier. Enfin, c'est un outil avant tout. Vous pouvez très bien l'utiliser comme un petit enfant de 4 ans, et vous pouvez être Raphaël aussi. Et la personnalité finalement de l'artiste va ressortir dans la manière dont il utilise finalement cet outil-là, qui est, comme il dit, assez transparent, en tout cas assez simple entre guillemets d'utilisation. Donc le matériau est simple, la poupée, les marionnettes sont elles-mêmes assez simples, et le jeu, c'est comme un acte, donc un jeu entre les deux, entre Morph et Chaz, qui s'embêtent l'un l'autre et vont se battre un tout petit peu pour donner quelque chose d'un peu surréaliste. Et puis finalement, même si c'est avant tout quelque chose de drôle, il y a, on va dire, une petite morale qui fait que, ben voilà, on peut, même en se battant comme ça, on est amis quand même, malgré tout, à la fin. Morph, then we can go to something quite interesting called, of course, conversation pieces. Oh, yes. That's a really interesting one. We don't have too much time, and it's a radio show to have that, but that's something really important for what we call nowadays, documentary. So conversation pieces. Yes, we were inspired by a BBC producer called Colin Thomas, and he in turn had been inspired by the work of some American filmmakers, John and Faith Hubley. And so the idea was given to us to take real soundtrack and animate to interpret it in some way. And when I say real soundtrack, I'm aware it's so hard to explain. What is a not real soundtrack? I don't know, but I mean, it's not actors, it's not scripted, it's not actors. It's real people talking as spontaneously as possible. And that is the raw material, and you take the sound, which you have not directed in any way, and you try to make sense of it, you try to interpret it, to find a narrative, to find a story. Donc je vais parler après évidemment de conversation pieces, qui est un moment important, hein, dans même ce qu'on appelle aujourd'hui le documentaire animé. Il disait qu'en effet c'est quelque chose qui a été imaginé par quelqu'un de la BBC, un producteur qui s'appelle Colin Thomas, et qui était lui-même inspiré par John and Faith Hubley, donc de grands réalisateurs évidemment américains, et qui leur a donné l'idée en fait de faire ça, en disant, ben voilà, vous allez travailler sur une vraie bande sonore. On a dit, mais qu'est-ce qu'une vraie bande sonore? C'est complexe, comment on pourrait appeler ça? L'idée, là, c'était de ne pas travailler avec des acteurs et de travailler avec des gens qui racontaient quelque chose de la manière la plus spontanée possible. Donc, l'idée, c'était d'avoir ça. Et avec ce matériau de base, comment eux allaient, qu'ils n'avaient pas réalisé, hein, en aucun cas, comment ils allaient pouvoir lui donner sens, lui faire avoir une histoire, en tout cas une narration. It was a long recording, or when they sent you the thing, it was already like 5 minutes, and you had to edit it. We would record 3 hours at a time, and try and find the narrative in there, and sometimes there was nothing at all. Something, many recordings we just threw away because they were so lifeless, and then we were very lucky. I think luck is a very important thing. The first one we ever did had a dynamic to it. There was a shape to the events that happened, and it was purely eavesdropping. It was overheard. There were three people talking, and one of them knew that there was a microphone there, but the other two didn't. And a sort of a drama took place of miscommunication. But then we turned it into a film, and we didn't know what we were doing. Our first instinct was to do all kinds of animatory things, to do lots of transformations and so on, which Clay is very good at doing. But for some reason, we suppressed that and made, as you said at the start, a sort of what sounds like a documentary and looks like a documentary in a way, but actually, of course, it is a fiction. So it's a fiction. It's a made up story based on real events, and I think that's where the fascination lies for me, I think. And I hope for the audience too, there's a tension between the obvious reality of the soundtrack and the very obvious artifice of the images. Donc l'un des premiers, alors je lui demandais l'enregistrement, est-ce qu'il y avait 5 minutes déjà quand il l'avait ou beaucoup de temps et qu'il devait monter? Il disait bah non, ils enregistraient à peu près des fois 3 heures hein, d'enregistrement, et ils essayaient de trouver la narration qui pouvait se dégager. Des fois c'était une évidence, des fois il n'y en avait pas du tout, et il dit qu'ils ont eu de la chance pour le premier. Enfin, de la chance, c'est très importante hein, dans ce métier, dans tous les... Enfin, voilà, c'est très important. Et le premier avait une vraie dynamique. Il avait la forme qu'il avait prise était très, très dynamique. Il y avait pourtant un enregistrement qui était assez étonnant, puisqu'il y avait 3 personnes et il y avait un seul micro. Et en fait, une seule personne, on entendait surtout une personne et moins les deux. Et en fait, ça a amené à une impossibilité de communication, on va dire, entre les 3 personnes, en tout cas une difficulté de communication. Et donc, ils se sont dit, bah, voilà, on va en faire un film. Comment on peut le faire? Comment on peut amener ça? Et la première chose, c'est qu'ils ont fait quelque chose qui était... pas de l'animation, c'est-à-dire la transformation. Ils se sont dit, bah tiens, on va s'amuser avec ça et on va faire ce que fait si bien l'animation, la métamorphose. Et la pâte à modeler, la plasticine, évidemment, est très importante pour ça. Et en fait, ils ont voulu faire ça, et puis finalement, ils sont revenus en arrière, et l'idée était de raconter finalement une histoire. Et ce qui les a intéressés, peut-être que c'est ça qui fonctionne finalement dans cette tension hein, qu'il peut y avoir, c'est qu'en fait, la tension qu'il y a entre la bande sonore, excusez-moi, qui est, elle, on sent la réalité, et les images qui, on le sent, sont vraiment une fiction. Donc cette confrontation entre les deux donne une certaine tension dans le film. Mm. Then, at the same time, for me it was really interesting, because it seemed like Altman at that time had a really real kind of life, you know, in this conversion pieces, and one guy is doing a little something else in this story, bringing maybe humor, and the other one more not realistic and maybe more dark in a way. Yes, the one you were playing just now is a film called War Story, and okay, so I mentioned that we tried to listen secretly to conversations. That proved to be extremely difficult to do, so after a while we changed our course slightly and started using interviews. And everyone will know, but when you do an interview and you take out the voice of the interviewer, it very often sounds like a very pure, heartfelt expression. There's something very compelling about it. It seems to come. It seems to be a confession or something straight from the heart. Anyway, so the film War Story was an interview with an old guy who had been in Bristol, where we live and work, during the Second World War. And the interesting thing about that story is that he talked for about 3 hours. In fact, he talked for 6 hours because he gave an interview and there was something wrong with the tape and you couldn't use it. So he did the same thing again. Like, these were stories he told very naturally and repeatedly. And in fact, I should say, his daughter said he drove the family crazy by always telling the same story over and over again. But the point I was coming around to was that he talked for 3 hours, and in that there was sad, reflective moments, and there were funny moments. He had both. And initially, I started to make a film that was more mournful, and then midway through, I just chose to pick the funnier parts from the same conversation. It's just interesting to see how the same raw material could have given you two very, very different films. Donc ça, c'est donc un film qui s'appelle War Story, et ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, un peu traduit, mais en fait, souvent en effet, ils essayaient de placer des micros comme ça et en fait de capturer. C'était pas des interviews, de capturer des moments qui pouvaient se passer dans les endroits. Donc voilà, il y avait cette idée là. Et là, à partir de ce moment-là, c'était un peu compliqué de faire ça. Donc là, ils ont changé un peu leur manière de faire. Et là, c'était des interviews que eux-mêmes ont mis en place. Et il y a quelque chose d'assez étonnant quand vous prenez une interview et que vous enlevez l'intervieweur. C'est qu'on a l'impression que c'est une confession, quelque chose qui vient du cœur la plupart du temps. Quand ils ont fait War Stories, c'était un vieux monsieur de Bristol, là où Hardman se situe, et qui a vécu la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était assez passionnant. Pendant 3 heures, il dit en fait non, pendant 6 heures réellement, puisqu'il y a eu un problème avec l'enregistrement. Donc il a dû répéter toute l'histoire. Et d'ailleurs, il dit au passage, c'est ce qui rendait un peu fou sa fille et sa famille, et qu'il lui a dit, parce qu'en fait, il répétait toujours de toute façon les mêmes histoires continuellement. Et donc, voilà, ils reprennent ça. Et en fait, il y avait des moments qui étaient un petit peu plus tristes et des moments qui étaient un peu plus gays. Et quand il a commencé à faire le film, on était plutôt sur ces moments un peu plus durs, un peu plus tragiques, on va dire. Et ça a changé. D'un seul coup, il s'est dit en plein milieu, il s'est dit, bah tiens, pourquoi pas faire quelque chose d'un peu plus drôle. Can I just tell you, just to finish the story, that I made a film before which was called Going Equipped, and Going Equipped was about a young criminal, and I chose to make it very real and direct, and it was a sad story, a very, very sad story, and I deliberately didn't put any comedy into it at all, it was not very well received around the world. So when I came to do War Story, I thought, that's why I decided in the moment to choose the funny stuff. Donc, faut savoir que juste avant ce film-là, il fait un film qui s'appelle Going Equipped, qui raconte l'histoire d'un jeune criminel. Je peux vous montrer juste une toute petite image. Donc ça, c'est Going Equipped. Quality is really bad. Going Equipped. Et là, il a fait quelque chose de vraiment très réel. Il voulait, c'était très dur. Il a mis aucun moment donné. Justement, il n'y a pas de moment d'humour dedans. C'est vraiment ce personnage qui nous raconte son histoire. Et en fait, quand il l'a envoyé un peu partout, le film n'a pas été très, très bien reçu. Et donc, quand il a décidé de faire la War Story... And Going Equipped is slightly influenced by Norstein's The Overcoat. Et donc là, ce film-là était un petit peu, mais quand même influencé par Le Manteau de Yuri Norstein, donc ce long métrage qu'on ne verra jamais. Feature film that maybe we'll never see. No. The Overcoat. Then a guy came. Well, the two of you, Dev and you, and another guy came and began to win a lot of awards and things. Yeah. Of course, it's Nick Park. Yes. Yes. So we had this this style of filmmaking, which let's call it documentary because it's close. It's in there. Documentary animation was the thing that we did, and we became quite successful. successful enough to start looking for some other help in the studio. And we went to the National Film School, and there we met a young filmmaker, a very young filmmaker, who was making a film about two characters he created, the man and the dog, Wallace and Gromit. And we saw him at work, we met him. We immediately saw that he had exceptional talent, especially a talent for comedy. And if people that know Wallace and Gromit will know that Wallace has a very, very distinctive face and a very, very distinctive way of talking, with a very exaggerated plasticine mouth. And I remember that Nick showed us a first test of Wallace talking. And in English, he was saying, "We've forgotten the crackers. We've forgot the crackers," he said. And Nick animated it twice. The first time, it was fairly conventional and not funny at all. The second time, he animated it with this extraordinary exaggerated mouth. And anyone that saw it found it profoundly funny, even though the line itself isn't funny at all. But so Nick had this magic. Donc je disais, il y a un moment donné important évidemment dans l'histoire d'Hardman, c'est quand il rencontre ce personnage là, qui a réalisé ce film là, et il dit à un moment, enfin on faisait ce que j'ai pas dit hein, des fois pardon, mais il dit bien. On tentait de faire du documentaire, est-ce que c'est vraiment du documentaire? C'est toute la question évidemment, l'idée d'animation documentaire. Mais voilà, ils étaient plutôt, ça marchait plutôt bien pour eux, et à partir de ce moment-là, comme ils faisaient ces documentaires-là, ils ont pu aller chercher, on va dire, des gens ailleurs. Ils ont été à la NFTS, hein, la National Film Television and School, ils ont repéré à ce moment-là un très jeune réalisateur, qui travaillait sur... qui avait créé deux personnages, voilà, c'est Gromit, et qui travaillait avec ces personnages. Ils l'ont rencontré, ils ont de suite vu qu'il y avait quelque chose d'assez exceptionnel, qu'il avait un talent en tout cas assez exceptionnel, notamment pour la comédie. Et si vous connaissez Wallace et Gromit, en effet, il y a vraiment un jeu avec le visage de voilà, ces expressions, quelque chose de très exagéré, et notamment une bouche très exagérée. Et quand ils ont vu le premier test, en fait, où ils disaient, donc on a oublié les crackers, we forgot the crackers, et la phrase en elle-même n'est peut-être pas si drôle que ça, mais il l'avait fait en deux fois, une fois très conventionnelle, et bon, c'était pas si drôle que ça. Et la seconde fois, par contre, avec la bouche exagérée qui disait cette ligne, cette phrase qui pourtant n'est pas très drôle en soi, mais quand on voyait, il y avait ce talent inné, en tout cas ce talent de la comédie de la part de Nick Park. So that was this one. Oh yes, so yes, so Nick joined us as an animator. A junior animator doing all the jobs nobody else wanted to do for a short while, and then we started to make a new series based on documentary, and because we've always been inclusive group, we although Dave and I had the contract, but we offered to others to join in, and so we offered it to Barry Purvis, to Richard Starzak, and to Nick Park to join us in this small series. And we thought that all the films would be based on real soundtracks, because that was the selling proposition. If anyone knows the work of Barry Purvis, he absolutely refused to use any dialogue at all, except one word, I think, in his film, which was called Next. Richard Starzak used some quite sort of surreal, non-verbal dialogue. Nick followed the company line insofar as he used recordings, interviews, and his theme was zoos, and he made several recordings to try and find a way into the theme, and it was quite difficult because actually it's not very interesting, and people being asked about animals was not very interesting. And then at some stage, halfway through, he had the inspiration that he would ask people about their own lives, their ordinary human lives, and then put those words into the mouths of animals. And so he interviewed his friends and contacts, including a little six-year-old girl, including a student teacher from Northern Ireland, including an elderly woman in sheltered housing, and including, most noticeably, a very opinionated young Brazilian student living in Bristol. And he interviewed them about their own lives, and then he transposed those words into the mouths of animals so that the student teacher from Northern Ireland became a very miserable female gorilla in the corner of a cage, complaining about the rain, and the Brazilian student became a self-pitying but very eloquent jaguar lying on a branch and complaining bitterly about the terrible food and the terrible weather in England, and saying how he didn't have enough space, which is pretty funny when he's an animal in a small cage. We need space. We need space to feel we're part of the world and not an object in a box, he said. Donc je demandais par rapport à ce film-là, évidemment, et donc il dit oui, Nick Park donc, est venu les rejoindre, et il est venu comme animateur junior pour faire les choses que personne d'autre ne veut faire. Et bon, ça dure évidemment un petit bout de temps seulement, et donc il faisait une nouvelle série comme ça, donc basée sur ces documentaires. Et puis, c'est pas parce que Dave Sproxton et lui sont à la tête du studio, ils essayent d'inclure évidemment, ils essayent d'inclure le plus de gens possible. Et donc, ils ont demandé à Richard Starzac, Barry Purvis et Nick Park de les rejoindre pour travailler. Alors, si vous connaissez un peu le style de Barry Purvis et ses films, il y a quasiment aucun dialogue, et en effet, dans Next, qui va faire Charman, il y a un seul mot, puisque c'est Shakespeare qui est interviewé pour faire sur ses pièces de théâtre, et voilà, il va dire à la fin le personnage qui a fait Next, et voilà, et c'est tout. C'est la seule chose. Richard Starzac, c'est beaucoup plus surréaliste, hein, il utilise quasiment pas de mots, et c'est quelque chose de beaucoup plus surréel. Et Nick Park, lui, en fait, son rester plus dans l'obligation, on va dire, de ce que demandait le studio, c'est-à-dire partir d'une interview. Il était son thème à lui, c'était les zoos. Il a fait plusieurs interviews, mais finalement, c'est pas très intéressant d'entendre des gens parler des animaux et de ce qu'ils ont vu à l'intérieur. C'est quand même un peu, voilà, pas passionnant du tout. Et donc, il s'est dit, tiens, si on faisait autre chose, et plutôt d'interroger des gens dans la vie de tous les jours et de les mettre dans la bouche, on va dire, d'animaux. C'est ce qui s'est passé. Il a interviewé plein de gens, une petite fille de 6 ans, un professeur dans une faculté, dans une école, une vieille personne dans une maison de retraite, et un étudiant brésilien qui avait très très politisé, en tout cas avec des opinions assez fortes. Et par exemple, ce professeur d'Irlande du Nord est devenu la dame gorille, une vieille dame gorille un peu irascible qui est dans son coin comme ça de sa cage et qui râle tout le temps, pardon, et pas en train de se plaindre sur elle-même. Et le Brésilien, l'étudiant, est devenu ce jaguar, si vous vous souvenez, qui trouve que vraiment la nourriture est horrible, le temps est vraiment absolument catastrophique en Angleterre, et qu'il a besoin de l'espace, et que pour bien vivre et pour faire partie de ce monde, il a besoin de cet espace-là. We don't, of course, have a lot of time, so we have to go further, and of course to the feature film. When did you want to go to feature film? Well, we could say a little bit, sorry, because of course of Wallace and Gromit. We've said, before yeah. going to the, and we all know the yeah, that's famous. Wherever I go, I hear this tune. I went to Buckingham Palace for a garden party, and there was the band of the Royal Artillery, and they were all playing that tune. Il entend ce morceau absolument partout, même quand il va à Buckingham Palace. Et ben, il y avait l'artillerie royale, enfin voilà, l'orchestre, et il jouait ce morceau-là. It's quite something. Well, we could talk like 1 hour yes, about these characters. I mean, these Nick's characters, absolutely. He always says that Wallace is sort of a bit like his father, a little bit like his father. and it's a man and a dog, and it's a very classic relationship, master-servant, whereby the servant is infinitely more intelligent than the master. It's a classic storyline. But in this case, the servant is a dog, and Wallace takes Gromit for granted the whole time. Wallace is very, very insensitive, and frankly, very, very stupid. And but I guess he's innocent. That's the thing about him. Although he's a fool, he's an innocent fool. And Gromit's job is to rescue him and save the day. Donc évidemment, on peut parler de ces personnages. On pourrait parler de ces personnages pendant au moins une heure, tellement il y a de choses à dire. Donc oui, les personnages qu'a créé Nick Park là, il dit bien quoi là, c'est un peu le ce qui ressemble à son père. Il ressemble un petit peu à son père. C'est quelque chose d'assez classique entre le maître et le serviteur, l'élève, on va dire, hein, le maître et élève, avec évidemment l'élève, serviteur, qui est un peu plus intelligent que le maître. Wallace, c'est quelqu'un de très sensible et d'un peu stupide, il faut le dire. Mais c'est ça aussi qui est peut-être bien, ce côté innocent de Wallace et Gromit, c'est là. Et Gromit, pardon, Gromit. Wallace et Gromit. Et Gromit est là pour récupérer un petit peu tout ça. So Nick made. He's made. Four short films now and one feature film. And the first one was called The Grand Day Out, and it was very well received. He started making it at film school and he completed it at Aardman. And then the second one, Wrong Trousers, I think really was the game changer, the one that changed everything, because it was such a good film. I have to say, it's looking at it now, I'm amazed by its cleverness and its simplicity, actually, and its economy as well, and its humour. It has, The Wrong Trousers has like six of the best sight gags you'll see in animation. It's absolutely extraordinary. Also, as well as all those things I've said, it also has lovely cinematography, because Nick was thinking in sort of a Hitchcockian mode, so it's beautifully filmed, beautifully executed, and rather perfect. And everyone in the world fell in love with this film. Donc on continue, hein, c'est sur ça. En fait, il y a quatre films et quatre courts-métrages et un long-métrage qui ont été réalisés sur Wallace et Gromit, Grand Day Out, qui est le film là qu'on voit là, qu'il a commencé à l'école et qu'il a ensuite fini chez Aardman, qui a été très très bien reçu un petit peu partout. Mais c'est réellement peut-être le mauvais pantalon en français, le Wrong Trousers, qui est vraiment le film le plus important et qui a peut-être tout changé en fait, même chez Aardman, qui a été vraiment quelque chose de complètement qui a bouleversé un peu tout. C'est dit un film d'une grande intelligence, d'une grande simplicité, d'une économie. Vous avez parmi les gags les plus étonnants l'animation dans ces films, en tout cas au moins 6, c'est dit. Et surtout, la photo est extraordinaire. Il y a vraiment un travail, comme si, un peu à manière d'Hitchcock, et directeur. Voilà, c'est quelque chose de très très beau. We don't have a lot of time, so let's drop the historical thing. Good. Because that's what I thought quite interesting. I'm always showing in course, you know, that the time that you actually show in your little presentation, you know, with that part, which is incredible, because we don't look at it like it's animation, but that's really a film. It's edited like perfectly. It's really like we are in a genre which it's an action film. We don't look at, you know, we have to impress the audience with the beautiful move of animation. We have to tell them a story. Yes, absolutely. So the sequence is a train chase. And it's so interesting how it sits in the story, because at the start of the story, when the film opens, this strange eccentric man Wallace has a miniature train that runs around his house, which delivers a birthday present to Gromit. So that's a joke in itself. Then it's forgotten. Then at the end of the film, that miniature train set that runs through the house becomes the location for a train chase with Wallace and Gromit and the penguin chasing around the house. And you're absolutely right, Alexei. It's not showy off at all. The camera work is strangely simple, and yet I don't think anyone would think that they would think it was. They would think it was super dynamic, which it is dynamic. we always say it's the dynamic of a Tom and Jerry, actually, because whereby where the cat chases a mouse around the house and keeps running past the same piece of furniture, keeps running past the same window, the same chair, and the room gets, and when you think about it, you realise that the room must be, you know, 5 kilometres wide, you know, but nobody ever comments on this. Anyway, Nick storyboarded it, and the finished film follows the storyboard very accurately. And in all that chase, there are only 4 or 5 shots where the characters are coming towards camera or away from camera. Otherwise, they're always running across frame, which is like back to the Hanna-Barbera image. So that's why I use the word simple, because it's economical. But the gags, the sequence of jokes, and the energy which is generated, helped by the music, helped by the effect of the train, it's absolutely amazing. Donc je disais que c'est quelque chose que je montre régulièrement en cours, et je trouve on va arrêter parce qu'on n'a pas le temps. Évidemment, on va continuer. Je vais regarder Elodie, est-ce qu'on peut dépasser un petit peu aujourd'hui, c'est quand même un peu exceptionnel. Oui, merci Elodie. C'est vraiment, elle est trop adorable Elodie pour ça. Et cette séquence est absolument incroyable, et il dit en fait ce qui est intéressant, c'est que donc là vous allez avoir une poursuite hein, dans un train, avec un train, et en fait au tout début du film il y a cette idée de train qui trempe, qui est dans toute la maison et qui va apporter un présent à cadeau à Gromit, dont c'est l'anniversaire, et voilà, il pense que voilà, ça a oublié son anniversaire, donc ça arrive. Et à la fin du film, on retrouve ce petit train, mais qui là devient le théâtre, la scène de l'action pour cette course-poursuite. Et c'est vrai que ça cherche pas à impressionner encore une fois le spectateur par son animation, mais plutôt par le montage et par finalement la mise en scène. Si on regarde le travail de caméra est quand même quelque part assez simple. On joue sur une espèce de dynamique comme ça, un peu à la Tom et Jerry, hein, un chat et une souris qui vont dans une, voilà, qui se poursuivent, et là ils passent quasiment devant les mêmes endroits, la maison est très grande finalement, elle pourrait faire plus de 5 km tellement elle est grande, même si personne n'en parle, et il joue là-dessus. Et le storyboard de Nick Park était vraiment très très très très détaillé, et le film fini est très très proche de finalement du storyboard. Et si vous regardez, en fait, il y a que 4 ou 5 plans où en fait on voit les personnages venir ou s'éloigner de nous, et la plupart c'est des plans latéraux comme ça. Et le son, bien sûr, l'image joue avec l'image. Il y a ce moment absolument extraordinaire. When you have the suspension of sound. Yeah. It's amazing that the sound tells the story and it yes, helps the joke. Yes, it's great. It's wonderful. And the other thing that I forgot, or you forget, is of course the whole thing from the very first minute, first second, is just one enormous joke because of scale. Because you take a very very domestic world. This, you know, this is a Wallace lives in a small terraced house, a very ordinary terraced house in the north of England somewhere, and you take this toy train and kitchen equipment and the furniture and make it sort of epic. And it's wonderfully warm and funny to have taken the domestic and made it quite so epic. Donc ce qui est drôle aussi évidemment, c'est qu'il ne faut pas oublier ça, on oublie, mais c'est vrai que c'est important. C'est comme une grande blague en fait, ce film, et joue sur l'idée finalement de prendre quelque chose de très quotidien, hein. On est dans le quotidien de Wallace qui habite dans cette maison, cette petite maison, et qui joue avec ce train ce jouet, ce train, et puis on est dans leur cuisine. En fait, c'est rendre tout ce côté domestique très épique. On a l'impression de voir une grande production alors qu'on est dans un endroit un petit peu resserré comme ça. Est-ce que... Yeah, sorry. I should say, English people of a certain age, like my age, I suppose, can always look at Wallace's house and say, oh, my granny, my grandmother had that piece of furniture, or that bookcase, or that chair. That's the aesthetic which is there. Donc chaque personne en fait anglaise un petit peu âgée peut regarder le film en disant ça ressemble à quelque chose qu'il y avait chez ma grand-mère, ce meuble là y était, et voilà tous ces détails là, et c'est l'une des forces aussi du film. Est-ce qu'il y a, je sais qu'il y aurait plein, est-ce qu'il y a une question dans la salle? Is there any question in the theater? Yes, one. Okay. No, you have to work with your fault. Thank you. Mr. Lord, I feel like today it's harder and harder for animation students to find a job. But looking at your career, I feel like you never really, you always kept your confidence. And you never went to animation school, but I feel like you always just did what felt like fun for you. Did you ever have any doubts about doing like this job or anything? Oui, rapidement. Donc, en fait, est-ce que c'est de plus en plus difficile de trouver du travail, hein, pour les étudiants? Est-ce que là, quand on voit sa carrière, on a l'impression qu'il a fait un petit peu toujours ce qu'il a voulu faire, et sans avoir fait d'école, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où il a eu des doutes par rapport à ce qu'il était en train de faire? Well, I'm sure everyone has doubts at some stage. That's the human condition, I think. But not very much. No, not very much. I mean, I do think this isn't very helpful, but it's true. I do feel very lucky that I feel that we were at the right place at the right time. But we were good too, you know. We made a series of decisions that turned out to be very good ones. I don't know how you quantify that or copy it. I think that love for the medium, love for the world, the animation world, is important. The respect and the feedback of other people is very important. That helps you to go forward. Partnerships are very important, I think. I mean, for me, in my career, I mean, the two people we've been talking about today, my partner Dave Sproxton, who is very good as a producer and very good technically, that partnership, and then the partnership with Nick Park, who's an absolute creative genius, so that's been very good. And, of course, as well as those two, there's, you know, 100 more people who've been important and influential. If you're lucky enough to enjoy your life and lucky enough to feel optimistic, which many people don't, you know, I understand, I know that, but if you're lucky enough to feel that way, that helps. Sorry, that wasn't very coherent. And my translation also. So, je vais traduire juste une petite partie parce que j'ai pas tout entendu, mais j'ai compris le début où il disait que non, enfin pas forcément, il n'a pas eu aussi tant que ça. Puis la fin, donc, où il disait que peut-être l'important c'était d'aimer aussi son médium, d'aimer ce qu'on fait, ça c'est vraiment important, d'écouter, d'avoir les retours des gens, et ça enrichit finalement aussi son propre travail, donc ça c'est vraiment important. Et puis le travailler avec des gens avec qui on s'entend bien et qui sont importants. Dave Sproxton nous en a parlé, et Nick Park qui est un génie créatif, et c'est vraiment vraiment important. Et puis évidemment des centaines de personnes avec qui on peut travailler, notamment maintenant pour faire des courts-métrages. Et puis faut avoir un peu de chance, il nous l'a déjà dit, c'est un peu important quand même. Et puis il faut être, aimer la vie qu'on a et rester optimiste. Il y en a plein qui ne le sont pas, qui n'aiment pas forcément ça. Et donc d'avoir cette fin, d'avoir cette envie quand même est très importante. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je sais que c'est toujours frustrant, mais voilà. Florian, une petite question, une remarque. Oui, c'est pas une question, c'est une remarque pour tout le monde, c'est que A Grand Day Out et The Wrong Trousers ressortent grâce au Folle Image en fin d'année, en fait, par novembre. C'est tout pour ça. Yeah, Florian saying that actually it wasn't really for a long time when not, for theatrical release, it was difficult, but Folle Image in France just took them again, and it's going to be released in France in theater. In theaters? Yes. Ah. A Grand Day Out and The Wrong Trousers. So the first two grand. That's fantastic. Briefly, Alexei just touched on and then ran away from the question about feature films, and which because we haven't got all day. But it is true that seeing A Grand Day Out, A Long Trousers particularly in the theatre, was such a revelation to us, because we made films for television. We just that was the market, and Wallace is as tall as this bottle of water here beside me, so he's not very tall, and his head is, 3 centimetres, 4 centimetres high. It's a very small plasticine head, and we thought, well, if you put that on a cinema screen, that's going to look terrible. We thought, we thought it would look really awful, ugly, and unbelievable. And then we saw The Wrong Trousers with all its inaccuracies, all its fingerprints and its inaccuracies everywhere, and it was fine. That inaccuracy was delightful, not a problem at all, and so that was a great education for us, and I'm so happy they're on screens, big screens again. That's great. Donc on a essayé de parler un tout petit peu des longs métrages de l'un, puis on est parti du long métrage, parce que malheureusement, on n'a pas toute la journée, même si on va dépasser un tout petit peu. Et le fait de voir, en fait, il disait, on travaille avant tout sur des télés, et c'est vrai qu'un seul coup, on travaille pour des télés, et puis là, tout le voir sur ce grand écran, c'était assez extraordinaire. Ça a peut-être été un vrai changement dans leur vision des choses, puisque ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont vu le... Voilà, ça c'est à peu près la bouteille d'eau que vous voyez là, la tête est aussi assez petite, et on s'est dit, sur un grand écran, ça va juste être horrible, ça va pas du tout passer. Quand ils ont vu sur le grand écran, avec tous les défauts qu'il pouvait y avoir, certes, avec tous les problèmes qu'il pouvait y avoir, c'est quand même assez extraordinaire de voir ça sur grand écran, et de voir le mouvement, et d'avoir l'énergie quand même que le grand écran pouvait donner finalement à ça. Do you think, you change... The job is not the same when you begin, of course, in the 70s, except nowadays, that's really different, but you're still enjoying it. Personally, yes, I love it. I love it. I mean, I love my life, personally, is very, very interesting, because now I'm surrounded by people who are doing things creatively, and often I don't know anything about them. At all until I see them finished, and I love that. I think some people are control freaks, but I'm kind of not, and so I love the bubbling up of energy that comes from having 50 people or however many it is all working on different projects, so all self-motivated, all creative, finding new areas. At the festival, at the start of the week, we showed a virtual reality project we've been working on. So we do that kind of thing. We do little games, little video games, even though I never play any video games in my life, but we do that. We do big feature films. I come in every day and there's some new amazing thing happening. So that's great. Quite big. Donc j'ai demandé évidemment entre Lahrman il y a 40 ans et aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Et il me disait oui, mais j'avais l'impression qu'il aimait toujours ce qu'il faisait, mais malgré tous ces changements. Il me disait oui, j'aime ma vie tous les jours, elle est quand même très très intéressante. Je vois, il y a plein de gens qui sont des contrôle fric, moi je ne suis pas tellement finalement. Et j'aime cette énergie qui peut ressortir de gens qui travaillent dans leur coin quelque part et puis ben, je vois le résultat bien après. Et j'aime cette idée-là, il y a ce plaisir. En début de semaine, il montrait quelque chose de réalité virtuelle, un projet de réalité virtuelle. Et voilà, ils font des jeux vidéo alors que lui ne joue jamais, mais il y a un vrai, vrai plaisir de faire ça. Pour terminer, je vais demander à Peter Lord et je vais demander à mes trois invités qui sont restés là, le film, puisque je suis désolé, tout a été un petit peu voilà, dans tous les sens, mais ça fait partie des rencontres des trois âges, j'espère que mes trois invités m'en veulent pas. Le film, le court-métrage qui les a marqués le plus dans ce festival d'Annecy. Peter, I would like to ask you what short film you liked in the competition in Annecy the most this year. I will let you. Let me think. About it. I will ask Antoine, Francis, Florian, vite. Florian, allez, Florian d'abord. Tu avais demandé tout à l'heure aussi pour les commandes, alors où les télés. Alors en télévision, c'est pas tard et au pied, là, entre les glaces. Pour la compète, moi je dirais peut-être Man on Fire. Un film crash, un papier vomi, qui est assez fabuleux. En fait. Sur les joies de la maternité, oui, je pense que les jeunes femmes vont y repenser à deux fois avant d'être maman. So, they're looking at the catalogue, ils vont regarder Antoine Lopez. Oui, non, c'est difficile de dire tout ça, mais je répète, donc ce que j'ai trouvé mieux, c'était effectivement tout ce que j'ai vu. Après, dans la compétition officielle, moi je suis un grand fan de Kovalyov, même si je trouve que Before Love est un peu en dessous, je dirais Before Love. Do you have one? I loved. Is it Periferia? Is that it? Yeah. I loved that. I thought it was a fantastic film. Loved that. But and then I have an undying love for the works of the Panico Village guys. So what's it called? Le Bruit du Gris. I thought, yeah. I whenever I see one of their films, I think, oh, I wish I'd thought of that. That is such a great idea. Donc il disait que Periferia, un film qu'il aimait beaucoup, et puis il dit j'ai un amour éternel, on va dire, pour Panico Village et ceux qui font évidemment Paterovie, qui font Panico Village, donc Le Bruit du Gris, qui est de la compétition, et à chaque fois qu'il voit un petit film comme ça, il dit mais pourquoi j'ai pas eu cette idée-là et j'aurais dû l'avoir avant. Et comme il aime bien avoir le dernier mot, Francis va avoir le dernier mot de court-métrage. Je retourne les pages. En fait, j'ai pas eu l'impression d'avoir un coup de cœur, un film saisissant, à part ceux que je connaissais déjà, qui pouvaient être justement Periferia ou Vache à l'aveugle. Et alors après, peut-être qui m'a surpris, en fait, c'est l'Uni Group de Pretender et Fang Wei, parce que je trouve que c'est la rencontre de deux auteurs vraiment différents, une que je dirais élégante et sensuelle, et puis l'autre un peu absurde et nihiliste, et ils ont tous les deux quelque chose en commun, c'est le sens de la cruauté. Et qu'il se retrouve voilà, sur quelque chose d'un peu vrai. C'est peut-être finalement le film qui m'a un peu marqué parce que c'est le film que j'attendais pas. I'm sorry, it was so short. Oh. Ouais, non, juste puisque je suis dans le quand on a parlé de doc animé, c'est vrai qu'il y a un seul doc animé dans la compète et qui est parfaitement réussi, Caput, finalement. Pour moi aussi, c'est un grand film. Cappuccino, documentary animation. We talk a lot about documentary animation. I'm so sorry because there is, it's almost 20 and we have to finish normally at 15 and it's quite difficult but because we have to finish. But maybe one last question because we have you here and maybe we'll have time another time to talk a lot like we do. There was something about, there is a lot of students in the room. You already said something about that, but do you think that nowadays it's becoming more and more perfect? And the morph was really something so straight, well, from the heart, I don't know, from the energy. Do you think it's, what's, if you have to give one advice, and I know it's difficult, to somebody, not a student, but somebody who come into animation, what would you say to him so he could keep the energy from, you know, maybe day one and a long time? Yes. God, wow. It's so difficult, isn't it? Because there are so many possibilities in the world today for animation, which there weren't. When I started, there were very, very few possibilities. There was there was TV films for children and TV animation, and that was TV commercials. That was kind of it. And nobody in England would dream of making a movie back in those days. So the world has changed enormously, and the wonderful thing is that young people can have their films shown without needing a network. You know, because online you can have your films shown. But how you get the fire going, to the fire that will then burn for 40 years, is hard to define, impossible to define. I can only talk in the most general terms about trusting your instincts, about being open to influence, coming to a festival like this and being inspired. That's great. To be inspired and to be influenced, that's great, but then not to copy, to always just speak, direct, animate as honestly as you can. I think honesty is a good word, actually, meaning you don't try to be cynical. You don't look at the world of animation and say, I know how to make money, I'll do that. That's not a great way to go. No, you look at the world of animation and say, I want to be in there. You know, I want to be in that company. I can do better than those guys. I've got a great idea. Those things. Donc, je vais demander une dernière petite chose, évidemment, c'est qu'est-ce qui donnerait comme avis pour quelqu'un qui débute dans le monde de l'animation. Il disait, il y a tellement de possibilités aujourd'hui, c'est compliqué, puisque moi, à l'époque, il y avait finalement assez peu de possibilités. En gros, c'était des pubs, l'animation, ou alors des séries, pardon, pour enfants. Et personne n'aurait pensé faire du long-métrage à l'époque, c'était impossible. Tout ça a changé. Maintenant, une grande partie de la jeune génération n'a pas besoin d'un réseau, n'a pas besoin d'une chaîne télé, pardon, pour passer ses films. Il suffit de le mettre sur Internet et voilà, et ça fonctionne. Et il dit, alors, comment garder finalement ce feu qui brûle, enfin voilà, de la passion. Il était pendant 40 ans, comment on a réussi à faire ça, c'est très très difficile à définir finalement, parce que c'est, on peut parler de manière générale, et de manière générale il dirait que c'est peut-être, enfin voilà, continuer à faire confiance à son instinct, être ouvert aux influences, venir dans des festivals comme ça, être influencé, être inspiré, c'est très important de l'être, ne pas copier, mais avoir ça, et puis en fait, parler, diriger, animer, peut-être de la manière la plus honnête possible, c'est peut-être ça le mot, le côté honnête des choses, ne pas être cynique, ne pas dire, vous regardez le monde de l'animation, dit ouais, je sais comment faire de l'argent, et là, je vais y arriver comme ça, et en fait, de vouloir juste dire, j'ai envie de faire partie de ce monde, j'ai envie d'être là-dedans, et puis je peux faire mieux que ces types-là, j'ai envie de faire ça, et j'ai eu la meilleure idée, et donc voilà. Thank you so much for being here this morning. Thank you. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you, Alexis. When I hear you speaking, it sounds like me, but in French. It's very good. Thank you. Merci. Et voilà, c'était Bulle de rêve, magazine du cinéma d'animation sur l'antenne de Radio Libertaire depuis le Festival d'Annecy, proposé par Alexis Huneau, comme tous les mois à peu près.